silence lourd, le bayou respire. Les ombres s'étirent, les âmes chavirent. Ride a ski de l'avant, silhouette dans la brume. Sur Twitch, les drops tissent leur costume. Le vent murmure, la nuit s'éveille. Chaque note une histoire, une merveille. Les pas s'enfoncent dans la terre molle. Le chant des grillons au loin s'envole. Un ciel voilé, la foi brûle jamais effacée. Sur Twitch, la foule retient son souffle. Dans cette nuit, la bataille s'essouffle. Les voix s'élèvent. Sacré, dans chaque drop, un espoir gardé. Rider Skill marche la foi en bannière, dans la lutte, la lumière entière. Sur Twitch, la communion s'installe. Chaque note ouvre une nouvelle salle. M'en frappe comme un tambour. Sur Twitch, la nuit devient jour. Chaque drop est un cri libre. Dans ce combat, rien ne se vit. Les voix se mêlent en prière. Chaque note, une lumière fière. Rider Skill avance, déterminé. Dans cette nuit, il le jour revient. Vers ce qu'il chante toujours serein. La force vit dans chaque voix. Dans cette nuit, il est la loi. La bataille gronde, le cœur s'emballe. Vers ce qu'il avance, jamais ne s'étale. Chaque drop, un cri de vie. Sans cœur puissant, la musique est un cri brûlant. Le son unit, la force grandit. Dans cette nuit, l'espoir survit. Drop.